Phrase 24, activation orale, avoir envie de. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu viens? Et vous dites. Non, je n'ai pas envie de venir. 2. Robert va au Louvre cet après-midi. Non, il n'a pas envie d'aller au Louvre. 3. Alors, vous jouez au portrait tous les trois? Non, nous n'avons pas envie de jouer au portrait. 4. Tes sœurs viennent avec nous? Non, elles n'ont pas envie de venir avec nous. 5. Marie-Laure travaille? Non, elle n'a pas envie de travailler.